Salut les gars, je suis nouvelle ici. Je débarque de ma gigantesque île d'amour flottante. Jusque-là, tout est normal. Je recherche le meilleur homme du cru pour en faire mon nouveau petit ami. Quelqu'un est intéressé? Je me disais bien. Hey, ma Cassandrounette! Adieu la vérité incontestable. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je te prie de m'excuser, mais je lis. Qu'est-ce que tu lis? Un ouvrage de vacances? Un truc relaxant? Ou Aristote? Éthique? Un Nicomaque? Que les critiques en disent? Oh, je n'ai pas pu le lâcher, Procam Atlas.